Lock him. Artillery. Many of them. Stiff. Go. Ni como esa fuerte. En la calle encendido. No buscamos líos, pero si te prestas sales prendido. Mi combo no juega, se criaron en la brega. No es lo mismo que tú, oh, es otro sistema. En la calle campeando, a todos lados mirando, Si activo la guerra no confío en nadie. Procura que si tires mejor que no falle. En la calle campeando. Comme elle viera, le game je l'ai niqué, mais bonita mira. J'rose dans Paname, la nuit mon cœur est brûlé. Mon côté bâtard me dit qu'il faut les tuer. Bébé j'assume tout, toi-même tu sais. Une fois ressorti, j'retournerai les baisers. En cellule j'vends des CD. En cellule j'vends des CD. Les mains en l'air, les mains en l'air. Fais des sous de mon bigo. En la calle encendido, no buscamos líos, pero si te prestas sales prendido. Mi combo no juega, se criaron en la brega. No es lo mismo que tú, es otro sistema. En la calle campeando. Dinero es la cosa de la muerte. J'ai ma fierté. Peut-être que mon ami tiendra le flingue lorsqu'on va me buter. On va tout ken. Avant qu'on parte, avant que la rue nous emporte. On a faim de faire des sous. Dis-moi qui va m'éteindre. Des grands mythos, y'en a beaucoup. Nous à W1.